La Barberie, 310 rue Saint-Roch, 418-522-4373, labarberie.com. venture the destruction of two world wars. Seen my fate reflected in the whaler's wide eye. Been around this globe, seen every coastal city, from the town of Longyear to Brisbane and Sydney. Now I'm swimming up the River Thames, looking at all the people on the river banks, waving, taking pictures, shedding tears. I'll wonder why, I'll wonder why, I'll wonder why, I'll wonder why. All I wanted was to see good old London, the tower and the bridge. All I wanted was to see if it was true before my light blew out. Was to see good old London, the bridge and the abbey. All I wanted was to see if it was true before my light blew out. Thank you. Bonsoir et bienvenue à l'émission Terra Incognita. Vous êtes en compagnie ce soir de Bruno Côté à la mise en onde et au choix musical, et Marc Chaunet à l'animation. Et donc, ce qu'on vient d'entendre, c'était le groupe de la Norvège Morild, tiré de leur premier album, Time to Rest. Ils viennent d'en faire paraître un nouveau, intitulé Aves. Ce premier-là, c'était un disque double. Donc, c'était la pièce All I Wanted, The Whale Song, la pièce d'ouverture donc de ce disque. On va poursuivre en musique. Bruno nous a préparé un beau choix musical, toutes des nouveautés, des pièces récentes dans le rock progressif et des albums qui sont parus dans les quelques plus récentes années, dont le groupe Odysseys qui ont fait paraître leur troisième album en 2009, l'album Silence. Ils avaient fait paraître Impressions en 2000, et en 2003 ils ont réédité ce qui avait été leur premier démo et qu'ils ont augmenté avec des pièces. C'est donc un groupe qui produit pas beaucoup d'albums, mais quand ils font quelque chose, ça vaut la peine. Ils sont quatre musiciens des Pays-Bas, et on ira avec la pièce Chinese Waters, et ce sera suivi du groupe américain District 97, leur plus récent et second album Trouble with Machines, et la pièce Who Cares. Alors on y va en musique avec Odysseys et District 97. Sight. Let's do it.

des découvertes et des nouveautés rock en tout genre. Pour terminer la journée et commencer la nuit à CKRL, écoutez Terra Incognita, une émission consacrée au néo-progressif avec Marc Chaunet, Michel Bilodeau, Jean-François Lamarre et Bruno Côté à 22h. Et dès minuit, c'est l'autoroute avec Stéphane Villeneuve, du rock, prog et psychédélique des années 60-70. Bonne soirée. Let's ride. Tous les soirs du 4 au 14 juillet, c'est le rendez-vous incontournable des Noctambules du Festival d'été de Québec. Venez vivre la programmation en salle, présentée par Groupe Voyage Québec. L'Impérial, le Petit Impérial, le Cercle et l'Espace Hyperion vous promettent des soirées en vente avec Louis-Jean Cormier, Family of the Year, The Sheepdogs, The John Spencer Blues Explosion, The Joy Formidable, Ostra, Nicolas Repac, Marc DiMarco et plusieurs autres. Laissez passer en vente à infofestival.com. Le Festival d'été de Québec est présenté par Bell en collaboration avec Molson. Attention, veuillez prendre note que l'émission Ma boîte à cassettes a reculé d'heure. Ma boîte à cassettes avec Jean-Philippe Deschênes, maintenant de 17h30 à 19h tous les mardis. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. La Nouvelle-Zélande est un pays reconnu pour ses joueurs de rugby. Elle est aussi reconnue pour un petit oiseau appelé Kiwi qui a un fort joli cri. Elle produit aussi un superbe houblon appelé Nelson Sauvin qui donne un goût exquis à la nouvelle pale ale de La Barberie. La Nelson Sauvin en vente partout pour un ton limité. Quel joli cri! De retour avec Bruno et Marc, on s'est laissé juste avant la pause sur District 97, tiré de Trouble with Machines, c'était Who Cares. Et juste avant, bon, c'était pas vraiment la pièce qu'on avait annoncée, c'était plutôt No Sound au lieu d'Odysseus. Alors c'était tiré de Soul 29, la pièce Idle End. Donc pour le prochain bloc, on va parler un peu, oui, des spectacles qui s'en viennent. Manquez pas Steve Hackett qui s'en vient le 4 octobre au Grand Théâtre de Québec et aussi Pendragon le 19 octobre à l'Impérial avec Red Sun dans la première partie. Si vous êtes amateur de bon vieux rock progressif, il y a Ian Anderson qui fera Thick as a Brick 1 et Thick as a Brick 2. Donc le 15 octobre à la Place des Arts de Montréal, la salle Wilfrid Pelletier. Et donc ça c'est les grands concerts pour les amateurs de rock progressif qui s'en viennent. Donc le prochain bloc, Bruno nous a préparé Willow Glass, la nouveauté, donc The Dream Harbor, la pièce The House of Cards Part 1, ainsi que l'excellent groupe italien Il Castello di Atlante, et ce sera tiré de Quintessenza, leur avant-dernier album, la pièce Cavalcando tra le nuvole. Alors on y va tout de suite avec Willow Glass et Il Castello di Atlante. Thank you. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Les artisans de La Barberie se font un plaisir de concocter des recettes originales de bières pression à fermentation haute. Les bières sur lit sont disponibles en format de 500 ml et de 750 ml dans différents commerces de vente au détail, ainsi que dans des restaurants et des cafés. La Barberie, 310 rue Saint-Roch, 418-522-4373, labarberie.com. Le 27 juillet prochain, l'International de pétanque du Vieux-Limoilou vous invite à participer à un tournoi amical, sans prétention, le tout dans une ambiance festive. Encore cette année, 64 équipes de la France, du Maroc, de l'Outaouais et de la Haute-Saint-Charles sont attendues. Qui tire du pointe? Les champions en titre, les urbains, défient quiconque à venir leur ravir la précieuse Coupe Richard. Le 27 juillet, au Parc de Lens à Cartier, dès midi. $30 par équipe de 3 personnes. Inscrivez-vous sur limoilouenvrac@vidotron.ca. En collaboration avec Production Limoilou-en-Vrac, Bal du Lézard, Ville de Québec, arrondissement de la Cité Limoilou, montlimoilou.com, Boréal et Caisse des Jardins de Limoilou. Demain dès 15h, Tania et son équipe seront de retour au Sacrilège pour l'émission spéciale du Festival d'été « C'est dans le sac ». Entrevues, invités spéciaux, prestations et autres folies. Pour tout savoir sur le Festival d'été de Québec, rendez-vous au bar Le Sacrilège, 447 Saint-Jean, du 4 au 14 juillet, de 15h à 18h. C'est dans le sac, une présentation de Boréal et du Café Babylone. Salut, c'est encore moi. Vous vous souvenez du t-shirt 40e anniversaire de CKRL? Bon, ben, on a encore toutes les grandeurs. Petit, moyen et large, mais il est en vente, 15$. Wouh! 5$ de rabais, c'est pas ce pire. 405, 3e avenue, Limoilou, pour un temps limité. CKRL. Québec. De retour avec Bruno et Marc, c'est l'émission Terra Incognita. Alors, ce qu'on a entendu juste avant, Il Castello di Atlante, tiré de Quintessenza, leur avant-dernier album, et une pièce assez rythmée qui suivait la pièce de Willow Glass, une longue pièce où vous avez pu entendre une finale absolument incroyable, les sonorités de Mellotron, tout ça qui est dans ça. C'est excellent, donc, du plus récent album de Dream Harbor. Pour le prochain bloc musical, le groupe de Montréal, Mystery, leur plus récent album, excellent, The World is a Game, la pièce Pride. Et ensuite, on va enchaîner avec Frank Carducci et son premier album, Oddity. Frank, qui joue avec plein d'artistes, il joue sur The Rome Project et il a participé à plein de spectacles, invité sur des albums, etc. Donc, il joue de la basse, il a réalisé son premier album, Oddity. On écoutera la pièce à Charles, mais d'abord, Mystery. What if

Just look me in the eyes. I thought you would be by my side, if only for a

kiss my hands, you beg my mercy, plead for my compassion. For now you wish I will embrace. Yes, I shall give you back your soul, and I'll stand with my devil surrounding my soul. Ah, mother, what have I sacred river.

tonight. If everything works out all right, I'll be feasting. So let's see what's for dinner tonight. With life, it's calling me, your present smell you near, sneaking, hiding. I hear your heart and feel your fear flowing. Behold, soon will all be clear, my eyes shining, hypnotizing. Oh,

I will rule them. You Et c'est sur cette pièce de Odysseus, tirée de Silence, la pièce Chinese Waters, que se termine l'émission Terra Incognita, cette édition du 13 juillet 2013. Comme on disait tantôt, il n'y aura pas de 13 du 13 2013 cette année. Alors, trêve de plaisanterie. C'était donc Bruno Côté et Marc Chaunet avec vous depuis 22 heures pour l'émission Terra Incognita. Restez des nôtres puisque nos acolytes Vincent... Vincent et Jacques sont là pour l'émission L'autoroute. Alors, restez des nôtres et on vous rejoint la semaine prochaine. À bientôt. Téléchargez Terra Incognita sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. Cette soirée vous a été présentée par La Barberie. Hi. Voici Mike et G, suspendu à l'antenne de CKRL. Ici Mike et G, je suis présent. J'ai plein de temps d'antenne à vendre. Vous désirez vous annoncer à CKRL dans un concept original et unique? Contactez notre service des ventes au 88 640 2575 poste 207. La Nouvelle-Zélande est un pays reconnu pour ses joueurs de rugby. Elle est aussi reconnue pour un petit oiseau appelé Kiwi qui a un fort joli cri. Elle produit aussi un superbe houblon appelé Nelson Sauvin qui donne un goût exquis à la nouvelle pale ale de la Barberie. La Nelson Sauvin en vente partout pour un temps limité. Quel joli cri! I think he always knew he would. And, you know, he was kind of like a guy who... I always think of somebody who's on a train. And you know you have to jump off, but pretty soon the train gets going so fast that you know if you jump off you're gonna die, you know. Hi, this is Robbie Krieger from the Doors. And you are listening to CKRL FM 89.1 in Quebec. City of night, city of night.